moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs, on a eu d'autres folies, d'autres délires. Bonjour à tous et bienvenue dans Memento Mori, on s'est déconfiné, c'est la teuf, on est content de se retrouver. Wouh ! Eh ouais, c'est d'autres délires, hein. Ah, voilà, c'est ça qu'on retient. Là, ça va être un nouveau délire, là. Ça fait des mois que vous n'avez pas entendu une chose pareille, quoi. Bah deux non, heures. Car on a continué. Ouais, mais après, disons que la dynamique des répliques entre les gens n'était pas incroyable. Les bruits de mastication manquaient aussi, tu vois. Ouais, mais on a entendu des belles choses quand même. Bah, hein. Oui. Genre les pages qui se tournaient. Oui. Par exemple, ou alors ton humour et tes imitations, il y a eu plusieurs choses. Oui, mais c'est la solitude. C'était long quand même. Ouais. Ça fait bien plaisir d'être de nouveau là. Ouais. Voilà, on est content d'être là. On a retrouvé Marcus, on est content. Ouais. Et puis c'est quoi l'émission? C'est même Tomori, on n'a même pas dit, hein, pour les personnes qui écoutent en direct ou. Sur Radio Gamozo. Hein, quand même, hein, numéro 666, comme d'habitude. Toujours. Et du coup, on va commencer tout de suite avec Lorelai, le groupe de Nancy, de punk rock, avec accessoirement une chanteuse. voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, qui sort un nouvel album qui est ultra bien. Là, ça va sortir dans un futur assez proche. On avait joué avec eux à Bruyères juste avant le confinement. J'avais pas de souvenir en fait que c'était aussi bien. Et là, juste premier morceau, c'est celui qu'on va passer d'ailleurs. Il y a tout de suite un truc qui se passe et franchement, ça fait très plaisir d'avoir un groupe de punk rock comme ça qui assure autant. Il n'y a pas de petits signes, c'est un peu rustique. Hein. Sur France Inter, ils font des signes à travers la vitre, c'est vachement bien. Vous avez de l'expérience, vous savez ce que c'est. C'est vrai. Voilà, du coup, à l'instant, c'était Lorelai dans Memento Mori, déconfinement. Paisible. Ouais, plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver là un petit peu autour de la table. Ouais, ça change. Surtout qu'on a reçu un petit cadeau là ce matin. Alors, c'est nos 500 disques avec Doom Sisters. On est très contents. Mmh. Carrément. On a ce qu'il faut là. Voilà, on l'a écouté. Il marche. Il sonne bien. Ça fait plaisir. Mmh. On aurait voulu le mettre à la radio en vinyle. Ça aurait pas marché. On le fera dans un futur proche. C'est ça. Pardon. Faut pas avoir et le nouveau matos et la platine. On va enchaîner avec un petit peu de trash old school qui nous vient directement des années 80 en Amérique avec Kublai Khan et le morceau Mongrel Horde issu de leur album Annihilation. Et on reste dans le old school avec un groupe de death metal beaucoup plus récent. C'est Tom Stoner. Je connaissais pas, j'avais vu la pub sur comment s'appelle New Noise Mag là, où ils font la pub pour ce jeune groupe de death metal. Puis ça sonne old school avec un peu des influences trash et hardcore dans leur death. Donc c'est plutôt sympa. Le morceau c'est Tom Stoner, issu de leur tout premier EP qui s'appelle Tom Stoner. Oh yeah, excellent. We'll be right back. Ah bah tiens, le confinement c'est utile finalement. Ouais. J'avais pas trop de doutes avant, mais finalement... C'est quand même dommage, c'est très agréable. Non. Tu manques peut-être de technique. Oui, et de passion, ouais. Peut-être, c'est un mélange de... Téco bien sympa. T'es serré à le carrelage. Oh putain, ça doit être encore plus. Non, c'est parfait. Faut être en tenue, c'est tout. Bon, à l'instant, c'était Tom Stoner, petit groupe de death metal américain qui débute plutôt bien, je trouve. Plutôt bien. Voilà. Très solide, bien référencé. Ouais. Oh, c'est ça. Ah la vache. Et avant, c'était... Les chroniques de merde. Kublai Khan. Ok, très bien. Mmh. Bon, bah allez, c'est à moi du coup, le petit bloc. Un petit bloc punk hardcore, assez classique. On va commencer par Lay. Alors, ça se prononce, ça s'écrit L-A-I avec un accent sur le A, donc je ne suis pas sûr de la prononciation en tant que telle. Groupe de Melbourne en Australie, mais avec des, la chanteuse qui est malaisienne, je crois. Mais du coup, c'est Lay comme un lait de papier peint? Non. Et la chanteuse, elle joue dans Malaise, c'est ça? Ils viennent de sortir. Ça, c'est très très solide. Donc le groupe vient de sortir un disque cette année sur Rune Nation Records, d'ailleurs excellent label allemand. Là, c'est juste la première, le premier titre en fait qui est sorti sur internet. Le reste, c'est peut-être pas encore fait parce que c'est le bordel en ce moment. Ça s'appelle Pontianak. Voilà, super intéressant comme groupe. Le groupe d'après sera Vicious Irene. Je pense en avoir déjà passé, mais en fait non. Je recherche dans ma petite, dans mes petits bouquins, dans mes petites pages qu'on entend se tourner. Je n'ai pas retrouvé, donc je pense que c'était dans ma tête, mais ce n'était pas dans la réalité. Donc Vicious Irene, c'est un groupe de punk hardcore suédois, sorti aussi LP, sorti aussi sur Rune Nation. Elles avaient notamment fait un split il n'y a pas longtemps avec Vehemence, groupe de crust de Nancy. Donc l'album s'appelle Sacrifice, tant pour moi, et le titre Deception, punk hardcore suédois. What? Hey, ouais, en direct à nouveau. Voilà, je fais un truc un peu long comme ça, si ça reprend au milieu, c'est pas, ça marche. Voilà, donc à l'instant, c'était les excellentes Vicious Sirène qui viennent de sortir un album tout récemment. Vous pouvez écouter ça notamment sur Ruin Nation. Et juste avant, Lay, groupe de Melbourne, avec notamment à la guitare l'ancien Peace Christ, très très solide. Bah, ils ont refait pas mal de groupes derrière après Peace Christ, différents trucs comme ça. J'en ai écouté 2-3. C'est tout du rock'n'roll ou du hardcore rapide. Enfin, c'est dans le style de ce qu'ils faisaient. C'est ça, mais c'est le côté cool quand il y a des groupes comme ça qui split. C'est que c'est triste, mais ça, souvent il y a plein de trucs. Ouais, ça split pas vraiment. Quoi. Voilà, il y a plein d'autres choses qui naissent derrière. Une éclosion. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux dire que la vie est un éternel recommencement. De groupe 10 bits. Écoute, je vais appeler Ben et je vais dire de mettre ça sur les trousses des écolières maintenant. Oui, il faut. Bon, Mitch, je crois que. Ah merde, c'est à moi, pardon. J'ai fait tes petites tartines de mousse. Oui, c'est ça. Je tartine du mousse et je pense plus à rien. Donc, on va s'écouter Killing Joke. Bon, on va pas présenter le groupe. T'es sûr? Et du coup, nous, on attend nos tartines de mousse. Oui, bah écoute, il y a des choses plus importantes dans la vie que les tartines de mousse. Ah, je suis pas sûr. Tu t'es passé de mes tartines de mousse pendant 2 mois, hein. Ah, mais c'était dur. Surtout que c'est de l'industriel en plus. Oui, quoi. C'est vrai que pour le coup, moi je m'étais dit, on va peut-être faire une raclette, mais ça va être un peu compliqué. Et du coup, là, on s'est un peu endormi sur la bouffe, il n'y a plus grand-chose. Ouais, finalement. Non, mais on fera mieux la prochaine fois. C'est vrai que le petit cake, normalement, est toujours Mais il commence à avoir des tomates un petit peu, là. J'ai fait ma propre bière, tu vois, déjà, c'est. Voilà. C'est pas mal. Ouais, voilà. Bon. Il manquerait plus que je fasse ma propre table de mixage et puis ça serait parfait. Mais tu pourrais amener ta propre platine, par contre, la prochaine fois. Pourquoi pas. Et tu pourrais être DJ? Oh, DJ Mitch, je vais mettre que des 45 tours de 30 secondes. Oh là là. C'est toi qui passes les disques. Ultra relou. Et tu vois, en fait, là, il y a les 5 personnes qui nous écoutent régulièrement. Là, qui voulaient entendre Killing Joke et sont là. Et qui sont en train de se dire, ça m'avait pas manqué. Donc, oui, Killing Joke, je sais pas pourquoi je passe ça. Ça m'est venu peut-être d'une autre émission, on va savoir. Je sais pas trop. Voilà, on va s'écouter un vieux morceau. Et juste après, on va s'écouter Litige. Un groupe de punk rock de Lyon. Qui n'a rien à voir avec Killing Joke. D'un point de vue pas des masses, non. Enfin, c'est pas la même époque, c'est pas le même pays, c'est pas le même genre. C'est pas tout à fait le même genre. Bon, il y a de la guitare. Surtout le genre, quand même, plutôt que le... Ouais, après le genre, faut faire gaffe, tu sais, aujourd'hui sur les forums et tout à fait. On parlait de genre musical uniquement, Mitch. Ah, pardon. Le genre sexuel des uns et des autres ne m'intéresse guère. On fait de la musique non genrée musicalement. Très compliqué, très compliqué. Oh putain, l'enfer. Il faut faire ça. Bon, bref, voilà, on s'écoute Killing Joke en dédicace à la famille d'Evians et juste après Litige. We'll be right back. voilà. Je sais pas si on est de retour, Oui, oui, oui, oui, oui, tout à fait. Yeah, rock and roll. Voilà, c'était Litige à l'instant, et juste avant Killing Joke, où techniquement, définitivement, ce morceau ne veut pas passer. Comme quoi, les références à la famille d'Aviance, c'est... Mais il est passé en direct ou pas? On sait pas, en fait. Si, mais il était coupé au milieu. Ah oui, après. Ok. Oh, la fin est pas si bien que ça, de toute façon. L'important, c'est l'intro dans les morceaux. Ça coupe brutalement, c'est comme ça le morceau. C'est voilà, tout, c'est de la power violence. Voilà. De la power goth. Je sais pas, moi je rattrape le truc comme on peut. Non, mais voilà, c'est Memento Mori, voilà, on est de retour. Tu vois, hey. Voilà, hey, comme au bon vieux temps. Alors, on va retourner un peu du côté du death metal. Quelle surprise incroyable. Voilà, ceux qui ont écouté nos petites émissions de confinement Mori, et notamment celle de Pibe, ont découvert l'excellent label Maggot Stomp Records. Voilà, Pibe, il avait passé Fluids, qui était bien dégueulasse. Et moi, je vais passer Malignant Taltar, qui est un peu moins dégueulasse, mais quand même dégueulasse. Le morceau, c'est Spectral Revolution. Et juste après, on écoute le groupe Sixteen. Alors, Sixteen, c'est un petit peu mon groupe coup de cœur dans la scène sludge américaine. Et là, oh, surprise, ils sortent un nouvel album qui a l'air ultra mortel, avec un artwork ultra mortel, des morceaux ultra mortels et tout. Ils ont teasé deux morceaux, on va en écouter un. C'est Me and My Dog Die Together, sur l'album Dream Squasher, qui va paraître très bientôt et qui va être ultra mortel. Un peu de Larsen, non? Ah, ça fait super brut, vrai, là. Hein. Mais voilà, c'était 16. Ouais, il a un double bien, bon, le bien brutal quand même. Ouais, hein. ouais, non mais... C'est Louisien enfin, je crois pas. Est-ce que ça existe, Louisien, déjà? C'est peut-être ça la première question à se poser. Est-ce que des Louisiens s'appellent Louisiens? Comme j'ai pas du tout pris des notes sérieusement, je sais plus du tout où ils viennent des États-Unis, mais je crois pas qu'ils viennent forcément du Sud, mais... Sur un continent qui représente à peu près la moitié, un quart du monde, c'est dommage de pas avoir plus d'infos quand même. Bon, après, oui, mais justement, là, c'est pour dévaluer un peu l'importance états-unienne dans le monde. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup leur sludge qui est plein de breaks. Non, mais si tu veux parler de musique aussi. Ah, pardon. Mais ça se voit pas tes lunettes, là, c'est dommage. Hein, parce qu'il y avait un ras-le-bol général qui s'exprimait à travers le geste. Ah, j'aurais eu une casquette, je l'aurais jetée. Trop visuel. Voilà, et avant, c'était Malignant Altar, gros death, un peu dans la mouvance actuelle, un peu doom, un peu crasseux. Ouais, bah disons un peu Davidesque. Voilà, quand David dit que c'est solide, généralement, c'est que c'est assez dégueulasse. Il a fait une petite remarque. Que ça lui plaît. Oui, bah, pour une fois qu'il écoute, ça fait plaisir. Bisous, David, hein, bonjour. Alors, c'est à moi de faire un petit mix de Krusty Beat venu du monde. Je ne prends aucun risque. C'est le moment musique du monde, tu vois. Exactement. Donc c'est un petit groupe qui vient d'Indonésie, de Bangun en l'occurrence, qui s'appelle Domestic Rust. J'ai fait une thématique Domestic Rust et 10 Brigades. J'ai fait une thématique. J'ai essayé de faire. C'était le hasard, mais j'ai écouté ça à peu près au même moment. J'ai dit allez, je suis obligé de les mettre ensemble. Oui. On avait fait une thématique dans le style là il y a quelques années. Il faudrait que ça revienne et je pourrais peut-être les remettre. On verra. On peut en trouver d'autres. On refera une émission spéciale 10. Ouais, cool. ouais. Je suis peut-être pas là le jour-là, mais ouais, on la refera. Ouais. Mais si, tu peux détourner le truc. Hein. Non. Bah, faut être honnête. Oui, non, mais soyez honnête. Faut. C'est juste que, on rigole pas avec ça, Arnaud. Dites, il manque de créativité. Mais je sais pas, après le morceau 10 Brigades, s'il va se mettre vraiment à aimer le 10. Est-ce que ça ne serait pas une pas très bonne porte d'entrée, peut-être? Il aimera un jour, à force. Bon, on va commencer par Domestic Rust, et du coup, avec un petit EP sorti en 2020 qui s'appelle Apparatus Burning in Hell, avec le titre Consume. Voilà, Krusty Beat de Bangun, vraiment bien. Et juste après, 10 Brigades de Quito Equator, avec titre et l'album éponyme Catastrophe Mondiale. Take all many women, I'm not made. Non, c'était pas le Guatemala, là, c'était Quito. Et pour ceux qui connaissent la Brigada, Quito, Bilbo. Bon, c'était une petite référence, perso, que j'aime bien faire à l'instant. C'est là où, quoi. Voilà, c'est là où, ouais. Donc, avec 10 brigades, alors, allez checker, ils ont à mort de disques, en fait, des démos, tout ça, ils doivent avoir, je sais pas, une dizaine de sorties. Alors, je sais pas, ils ont toujours pressé ça en vinyle, parce que je crois que les pressages vinyles en Amérique du Sud, c'est la merde. Je crois qu'il y en a même pas, du tout. Du coup, ils sont pressés aux États-Unis, mais avec les frontières, je crois que c'est la merde aussi. Du coup, ouais. Je crois qu'ils font ça en Europe. Et du coup, je crois que du coup, le LP, je crois qu'ils en font pas trop là-haut. Donc, tu veux dire que nous, on se plaint parce que ça a pris un mois et demi de retard, mais c'est ça. On est comme des sacrés connards de se plaindre de ça. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et puis, on a le luxe de choisir un truc de moins loin, pas prendre moins cher par rapport à la Tchéquie. Enfin, tu vois. Après, ils sortent des CD en grosse quantité, on ne sait pas. Hein. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux. Et juste avant, Domestic Rust, voilà, d'Indonésie, bien cool aussi. Oui. Vous avez des petites blagues. Il y avait des petites blagues qui sont sorties tout à l'heure sur les noms, sur les choses. Oui, Domestic Rust. Domestic Rust, crust de salon, bien produit. Bah voilà, c'est pour ça que c'est bien produit. Humour. Non, ça passe. Oui, effectivement, c'était pas spontané. C'est un peu réchauffé. Spontanéité, c'est vrai. Mais voilà, la blague est valide, je pense. Non, elle est valide. Je pense qu'on l'aura déjà fait plein de fois. Oh, you are crust of salon. Là, c'était spontané, tu vois. Oui, mais je presque moins bien. Oui, bah voilà. Plus les deux mois ont passé, que veux-tu. On perd nos habitudes. Voilà, guerre affûtée, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on s'est pas trop entraîné, donc. Ouais, si. Donc, en parlant d'entraînement. Séance de badminton en direct. Allez, c'est parti. En fait, j'ai raté ma transition parce que c'est pas sur le premier morceau. On va s'écouter Sieve Head, un groupe que j'ai découvert dans l'émission Mus Home Studio, qui est une émission faite par les mecs de Well Done Dumb Boys, je crois. Ou alors c'est des mecs de Marseille, j'ai toujours un doute, je sais jamais. Well Done, c'est Belfort. Oui, mais du coup, ça doit pas être ça. Mais il y a un mec, j'ai cru qu'il était dans Well Done et peut-être pas. Donc, c'est une émission sur Internet. Ils ont fait une émission de radio, en fait, depuis chez eux, pendant le confinement. Ils ont fait 3-4 émissions complètement barrées. C'était vraiment cool, assez marrant. Et du coup, ils ont passé ce morceau-là, enfin, ce groupe-là, en tout cas. Et j'ai trouvé ça ultra cool. Donc voilà, ça fait plaisir de faire des découvertes aussi dans les autres émissions de radio. Et juste après, pour faire une transition sur l'entraînement, que mon pote en fait Guillaume Circus, qui faisait l'émission de radio Joining the Circus à l'époque, quand il avait pas trop la flemme de la faire, a fait, parce que lui il est prof de sport dans la vie, et du coup il a fait l'émission Jogging the Circus, où du coup il passait des morceaux de punk rock et puis il faisait des exercices physiques en même temps à montrer aux gens. C'était assez cool. Dans le même style que la vidéo que j'ai vue de Damien Alexandra, il y a peu. C'était un peu plus sérieux. D'accord. Et je pense sur des bases physiques plus saines. Oh. Mensonge. Ouais, tu mets en doute. Tu blasphèmes, Guillaume. Tu blasphèmes. J'ai pas trop entendu parler de Damien. Je l'ai pas entendu parler de gainage dynamique, Damien, si tu veux. Donc, voilà. T'as mal écouté. Et il manque une émission qu'on n'a pas vue, qui est encore. Et peut-être que c'est celle-là. Et je suis sûr qu'il parle de gainage dynamique. Voilà, ça doit être ça. Du coup, Guillaume Circus, là, qui a passé un morceau de Carousella. J'avais jamais trop écouté. Bah, si, on les a déjà vus en plus, nous, à Vanier. Carousella. Ils sont passés à Vanier. Ouais, je crois que j'étais pas là, moi. À l'Estaminet, c'était vraiment cool. Non, je suis jamais allé à l'Estaminet, du coup, c'est dingue, mais voilà. Écoute, c'est la vie, j'assume. J'assume et je porte plainte pour diffamation. Voilà, Carousella, groupe israélien, un duo guitare-batterie, assez cool, avec un chant féminin et un batteur coiffé bizarrement. C'est ces deux caractéristiques. Discrimination envers les chauves et tout ça. Donc deux morceaux assez cool. On s'écoute tout de suite Sieve Head et juste après Carousella. c'était Carousella à l'instant. Voilà, bisous à Guillaume Circus. Et juste avant, c'était Steve Head. Bah, c'est vrai que pour les montées de genoux, ça marche très bien. Hein. Oui. Très très bien. Bien dynamique. Excellent. Tu gardes la forme, tu gardes le tonus. Ouais. Voilà, le cardio est là, quoi. Voilà, hein, toujours respire, flex. T'es flex. Flex dans la tête et dans son corps. Tout à fait. Bon, et si on écoutait du death metal, dis donc. Ah, bah voilà, parce que bon. Eh, mais attends, là, c'est Benighted. Ah, Benighted, oui. que j'avais plus écouté depuis Icon, je crois bien. Album qui m'avait pas mal déçu, et du coup, je m'étais un peu désintéressé de Benighted, alors que les premiers albums, je trouvais ça assez mortel. Et ils ont sorti leur dernier album pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, sur Bandcamp, il y avait la date d'avril. Donc j'ai quand même écouté ça un peu par hasard, et en fait c'est mortel. Leur dernier album me réconcilie complètement avec Benighted. Du coup, on va écouter le morceau Casual Piece of Meat, issu de leur tout nouvel album qui s'appelle Obscene Repressed. Et juste, je te coupe un instant, ouais, ils vont passer à Épinal, à la Souris Verte. Bon, il y a des chances que ça soit annulé vu la situation actuelle, mais ils vont faire le Mosh Pit Festival. C'est genre fin de cette année-là, donc c'est pour ça que ça va, à mon avis, ça va être la baisse. Mais du coup, il y a le premier nom sorti, c'est Benighted quand même. Cool. Voilà. C'est qui fait ouais. ça Après, c'est la Souris Verte. D'ici la fin de l'année, gardons espoir, on sait jamais. Soyons positifs, mais voilà. Peut-être pas un an sans concert. Ouais, c'est ça. C'est très drôlement bien, s'il vous plaît. ils ont déjà. J'ai l'impression que mon micro marche pas. Vous m'entendez ou pas? Nous, on t'entend. Bon, bah, c'est bien. La Souris Verte, ils ont déjà repoussé des concerts, et, par exemple Magma le 25 novembre, pour ceux qui aiment. Voilà, pour les vieux en fait. Ouais. Ouais, après, est-ce que c'est pas le groupe qui aurait annulé aussi la tournée ou... Bah, un peu les deux. Ouais, parce qu'il y a ça, peut venir, ça peut venir de ça aussi. Il y a peut-être hein. les groupes étrangers qui. Les concerts étaient simplement interdits, voilà. Aussi, ouais, oui, il y a ça aussi, c'est sûr. Hein. Voilà. Un bon mix des deux. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, si ça se fait, ça pourrait être cool. Ce serait cool quand même. Ouais. Parce que Benighted, ça a toujours été plutôt solide dans la. Ouais, à voir après ce qu'ils proposent avec, quoi. Oui. Après, niveau à l'épinal du secteur, t'as quand même pas mal de groupes de death, donc je pense oui, que il y a moyen de. Au pire, non, non, mais après, faut réussir au pire, à bien boire des bières en attendant le groupe que tu veux voir. On l'a toujours déjà fait, et puis c'est pas si de. C'est pas si grave que ça, mais voilà. Une bonne affiche cohérente. Ouais, bien, ça ferait vraiment plaisir. Oui, au pire, il y a de la fouillotte, donc ça va. Oui, visiblement, ce qui vous intéresse, c'est de rester au bar, quoi. Ce que j'ai bien compris. Sinon, on fera du sport. Oui, bien sûr. Et après Benighted, on va écouter. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, Kiss ou. Enfin bref, avec deux I et pas deux S. Qui ils jouent. C'est un groupe que je connaissais pas, qui joue du hardcore punk. Et alors bon, je tiens quand même à prévenir, il y a un sanglier sur la pochette. Est-ce que ça en fait un groupe d'extrême droite? Je sais pas. Ça dépend de l'IGN. Voilà, bon, le style n'a pas. Enfin voilà, j'ai fait toutes les recherches possibles, j'ai rien trouvé. Tu passes du groupe réac, quoi. Mais, ah bravo Arnaud. Non, j'ai fait toutes les recherches. Après, si vous avez plus d'infos que moi. Je suis preneur. Bon, avec le chanteur de Peste Noire. Mais on n'est pas vraiment sûr du style. Bon, c'est des Américains. Voilà, ça a l'air plutôt à gauche, même s'il y a un sanglier sur la pochette. Faisons du sanglier un symbole. Ils viennent peut-être de Sedan, mais le Sedan, en fait. Au Texas. Ouais, c'est ça. C'est bien. En tout cas, musicalement, c'est plutôt très bien. Et on va écouter. Ça a mis un peu de temps à monter, Mathieu, mais tu l'as eu, c'est très bien. Ah là là, tu vois. Moi, j'étais trop concentré sur mes notes prises au dernier moment. Je réécouterai l'émission juste pour ça. Bref, le morceau, ce sera The Spiral sur l'album Bezoar de Kiss, juste après Benighted. Et on nous dit que David a arrêté d'écouter depuis cette blague. Oh, il y a eu pire avant quand même. Non. We'll be right back. c'est Kiss. Tu peux écouter, c'est très bien. Bah oui, parce qu'on a discuté et pas assez écouté alors que ça sonnait plutôt bien. Ils sont maquillés sur scène aussi ou pas? Non, je crois pas. Ah, c'est bien aussi. Mais voilà. Non, j'ai pas vu leur tête. T'as écouté d'autres trucs ou c'est juste un autre? Non, j'ai écouté l'album en entier que mon pote m'a envoyé. Puis à la base, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'envoie encore? Puis en fait, je fais, mais c'est super cool. Évidemment, il t'envoie pas toujours des trucs. Non, oui, c'est général comme ça. Voilà, non, mais c'est souvent, je rigole quand il m'envoie des trucs. Mais là, pour le coup, c'était super cool. Je me suis dit, je vais mettre ça à la radio. Bah voilà. Et avant, c'était Benighted. Et comme tu l'as très justement dit, ça tartine. Ça tartine, ça envoie la purée. Ça tartine quand même. C'est moi qui le sais, Non, j'apprécie. Ça n'a rien à voir. Ouais, parce qu'en fait, c'est juste, tu vois. En deux mots, t'as tout. Non, mais voilà, mais du gros tapis de double, ça n'arrête pas. Après, il y a beaucoup de riffs saccadés. Ouais, mais moi. C'est brutal death dans la façon dont ça fait. Mais moi, je suis très content de re-aimer Benighted. Donc merci pour ce nouvel album. Mais t'as l'air heureux en tout cas, t'en as parlé avec beaucoup d'amour, ça fait plaisir à voir quand même. Ça me rappelle ma jeunesse. Tu veux pas lui faire un câlin? Non, un mètre de distance. Oui, flûte. On n'a plus le droit aux câlins et aux bisous. C'est vrai, mais on a le droit quand même de se voir et de se voir de près. Et ça fait plaisir. C'était déjà pas mal, ça faisait longtemps. Une cure de jouvence. Après, un plaisir. Mais pas tous les jours quand même. Alors, si vous voulez un petit truc qui bourre et qui tabasse, c'est le moment. Alors, donc 100% grindcore, minscore, avec un petit split 7, pareil, qui est sorti, mais qui n'est pas vraiment sorti. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure en disant oh putain, j'ai préparé un truc pour la radio, attention. Un petit truc aux petits oignons, mon loulou. C'est ça, d'accord. Bientôt dans la distro. Ultra bourros. C'est pour me préparer un peu. C'est vraiment du bon grind. On va commencer par Convulsion, donc du gros grind espagnol, avec le titre Silencio Complice, et juste après Insect Terror, donc en fait, c'est un split 7 entre les deux groupes avec le titre Exploitation. Donc, Insect Terror, on les connaît un petit peu pour ceux qui suivent parce qu'ils ont sorti un split avec Grosselle l'année dernière ou il y a deux ans. Enfin, je sais plus. Mais il y a des superstars Grosselle. Tout à fait. Donc, Insect Terror, c'est absolument top. Minscore de Tübingen en Allemagne. Voilà quoi. Le split est vraiment très très bien. Ça tape quoi. Visiblement, tu connais. Ah ben. Moi non. C'est le moment. C'était pas mal. Insect Terror, donc très très bon groupe, donc un nouveau petit 7 avant le split avec Grosselle, donc les deux sorties sont vraiment bien. Après, faut aimer le style là, effectivement, hein. C'est pas un truc. C'est sûr, si t'es fan de Portichet, globalement c'est raté. Voilà. C'est moyen, effectivement. Et juste avant Convulsion, qui sont vraiment très très bons. Il y a aussi, des gens. Qui... Mon collègue aime bien Indochine et puis Igor, tu vois. Oui, moi j'aime bien Portichet. Et moi j'aime bien Indochine et j'aime pas Igor. Insect Terror, tu vois. Et moi j'aime bien Igor et j'aime pas Indochine. Oui, mais ça, c'est normal. On n'est pas d'accord, quoi, concrètement. Voilà, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Voilà, tout va bien. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Un peu de normalité dans ce monde anormal. Hein. Et sans se battre. Mais non. à toi. Mais si, on pourrait. On pourrait... Et par contre, désolé, je voulais pas te couper. Quoique j'aime bien le faire. C'est vrai qu'on a. Mais c'est toujours un réflexe de survie d'ailleurs. Bah, je sais pas toujours ce que tu veux dire, donc je préfère anticiper. Dans le doute, te couper. Au cas où, on sait jamais. Il faut couper. Ça peut être désagréable à la longue pour toi, mais voilà. Donc c'était il y a 10 minutes. L'agenda concert. Voilà. C'est à toi, Mitch. T'as préparé ? Tout à l'heure, on s'est posé la question hors antenne et j'ai vraiment eu un petit moment de doute avant de me souvenir que tout était annulé pour 20 ans. Donc, Mais je suis sûr que le karma, on a annoncé la date de Benighted, il devait être 21h pile, on n'a pas fait gaffe. Ça doit être ça. Un réflexe ? Ben oui. Mais je pense qu'on a fait une belle session quand même. Là. Ben oui. C'était joliment préparé. Voilà. Bah, et puis c'est bien de pas se. Enfin, moi, quand je l'ai fait en me doublant moi-même, il n'y avait pas ce petit charme de vous avoir à côté. Voilà. On va s'écouter Hello Darkness. Ah ben oui. Je l'ai écouté du coup. Très bien. Ben oui, mais parce que du coup, ouais, on passe des groupes de partout. Et puis j'ai failli oublier en fait que nos potes ils avaient sorti un morceau. Alors, du coup, c'est con. C'est ballot. Voilà. Surtout que ça court pas les rues non plus, les groupes. En fait, t'as failli, ça va. Tu t'en es rappelé à temps. Il faut consommer local à un moment. C'est le monde d'après. Donc, Hello Darkness bourgeois. Ouais, je sais pas. On parlera de Frédéric Lordon une autre fois. Voilà, Hello Darkness, qui est un groupe des Hautes-Vosges, hein, globalement, de multiples villes, qui font du crust. Voilà, c'est avec des anciens de Lupus Ad Mortem et de Lust for Death. Lust for Death, quand il dit. Quand on parle de la personne là. Les dents. Et voilà, qui ont sorti un split avec Okazo, si je dis pas de bêtises. Et on va encore se faire insulter par message. Fais gaffe. C'est possible ça. Mais... Et pour info, le split, en fait, il est en préparation. Ah. Et puis, ils ont un split en préparation. Il sera dans le secteur bientôt. Dans le secteur ? Dans le secteur. Dans le terre-terre bientôt. Voilà. Donc, ouais, morceau cool. Bah, c'est bien. Il s'appelle Hiver trop long. J'ai rien d'autre à dire à propos de ce morceau. Il fallait parler du fait que cette année on n'a pas eu d'hiver. Et c'était Hello Darkness à l'instant, voilà. Crust local. Voilà, bon, on attend la suite, hein, des local petits morceaux, là. Ouais. Bah, je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment. Bah, après, en fait, par rapport au disque, donc, tous les groupes enregistrés, mixés, masterisés, apparemment. Donc, ils sont sur. Les deux, quoi. Les deux groupes, voilà, les deux faits au 10 Vlar. Et voilà, ça suit son cours, quoi. Commande de pressage, label, machin, voilà, ça prend encore un peu de temps, bien sûr. Mais c'est un cours bien entamé. Bah, c'est bien. Voilà. Bah oui, clairement, un petit split LP, normalement. Donc, très bien. Ah, parce que du coup, il y a plusieurs morceaux de chaque. Ouais, ouais, ils ont 5 titres, je crois. Donc, c'est un split LP. Ouais. Ok, cool. Cool, voilà. cool. Bah ouais, carrément. Donc après, c'est à moi. Donc j'ai passé un petit titre de Mino Fruit. Ouais, parce que j'ai réécouté le LP, enfin le CD que j'ai chez moi il y a pas longtemps, puis j'ai trouvé ça cool. De la grande époque où tu faisais une reprise avec ton groupe de punk rock. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux une petite anecdote, donc, à l'époque où je faisais du coup cette petite reprise de Mino Fruit, donc j'avais le livret, enfin j'ai le CD original machin, tac tac, donc j'avais le livret avec les paroles, et c'est comme ça que je disais mes petites paroles en répète. Et ben maintenant j'ai le CD, mais j'ai plus le livret. et je suis bien deg. Parce que c'est sympa quand même des petits originaux comme ça. Mais quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc en fait j'ai mis le morceau C'est. Je ne sais pas si je garderai ça pour le podcast. Non mais il faut peut-être que je perfectionne un petit peu la façon dont j'exprime mes sentiments. Faut broder un peu autour. Oui, faut broder ça. Autour. D'accord. Oui, ouais, c'était pas utile. Tu mets du suspense et voilà. Tout. Mais je vous raconte une histoire quand même là. Donc, ça fait plaisir. Le titre, donc j'ai choisi Sin Red parce que j'ai regardé une vidéo de Jody Faster il n'y a pas longtemps, et ils faisaient une reprise de Mino Fruit qui s'appelait Sin Red. Du coup, j'écoutais en même temps une reprise, tac tac. Et puis Sin Red, c'est un groupe aussi de fastcore hollandais. On continue de voyager. Qui est vraiment très très cool, et du coup, en fait, voilà. Voilà, voilà le morceau marche. Quoi. Voilà. Sin Red, sorti sur le Seven Filer en 1981. Et juste après. Je suis complètement perdu. Je ne sais plus du tout. On a plus 4 pays, 5 okay. groupes. Je ne sais même plus de quoi on parle. On parle de Mino Fruit, ok. Mais vous verrez bien voilà. Après. Hein, vous verrez bien, vous verrez bien l'écoute. En fait, ce qui est important, c'est l'écoute derrière. C'est pas ce qu'elle raconte avant. Et juste après, on va se mettre Red Cage, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur le label La Vida et sa mousse Disco Punk, un truc comme ça. Un excellent label londonien. Ça, c'était assez inattendu, c'est vrai. Oui, non, mais c'est super long, espagnol. Voilà, donc voilà. Et puis je ne l'ai pas noté, donc c'est de tête. Voilà, mais j'ai peut-être dératé. Mais je pense que je l'ai bien prononcé quand même. Je pense aussi, voilà, mais c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc Red Cage qui vient de sortir un nouveau split avec le groupe qui s'appelle Ultra Ra. Enfin, c'est tout à fait cohérent. Avec le titre Night of the Rat. Voilà, on est dans la thématique du rat. Non, Red Cage, Night of the Rat, Ultra Rat. Voilà, ouais, la thématique est là. Mais bien sûr. Donc, c'est un excellent groupe de 10 bits hardcore anglais. Il me semble qu'en Chine, il y a un nouveau début d'épidémie d'un autre virus qui est transmis par le rat, justement. Oui, tu vois j'ai vu passer ça aussi. Tu vois, ben voilà. Ah, bah voilà. On est en plein dans l'actu. Bah, c'est merveilleux. Tomori, émission culturelle. C'est formidable. Donc, Red Cage, c'est vraiment trop cool. Voilà. J'ai écouté plusieurs fois ce disque et j'adore. Hardcore super tendu qui bourre, taquet. Je kiffe. Deuxième chronique de la mort. Hardcore super tendu qui bourre ta tête. Mais ça va être exactement ça. Et merci. We'll be right back. C'était absolument parfait. Voilà, on vient de s'écouter le hardcore rageux de Rat Cage. Voilà, allez checker, ça c'est parfait. Et juste avant, Mean of Fleet avec le morceau Sinred qui s'appelle aussi comme le nom d'un groupe en fait qui vient d'Hollande, et puis et une reprise de Jodie Foster, et puis en même temps c'était aussi le petit surnom aussi de comment il s'appelle de Morgan. Tu vois, même toi, voilà. Tu t'es perdu dans le truc. J'ai essayé de faire un condensé. Ça faisait beaucoup trop. Pardon. Alors, on enchaîne avec Tension. Je crois qu'ils sont espagnols. Ça a l'air espagnol. J'ai découvert complètement par hasard sur une compil punk en soutien, je crois, aux victimes du coronavirus, justement. Et puis, où il y avait plein de titres cool, dont celui-là. Après, j'ai commencé à écouter ce qu'ils faisaient. Il y a tout n'importe quoi en compil de nos jours. Non, mais c'est ça. C'est le truc absurde. Je me dis, ah, bah oui, ça va être pour la radio. Mais ce groupe-là était cool. Et puis, leurs albums sont plutôt cool, que j'ai découvert après. Donc, on va écouter Camina o Revienta. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce groupe. Mais ça va être cool. Merci. C'est bien, c'est un bon début. Et juste après, on s'écoutait Presque Maudit, que j'ai découvert par la magie des internets, voilà, les partages Facebook et tout ça. C'était une compile pour le coronavirus, non? Non, c'était une compile en soutien à Morgan Sinred de l'époque où... Non, c'est pas ça. Pour acheter des t-shirts au Colombien. Un médecin du monde Sinred. C'est une nouvelle organisation, je trouvais ça... non, voilà, je sais pas. Alors, j'ai découvert en fait a posteriori que ça avait pas mal tourné dans le coin, et tout, dans toute notre scène à nous, pour faire très large, sans posséder quoi que ce soit. Mais et voilà, et c'est ultra cool, une espèce de matrock très tendu, et vraiment super cool. Ça joue bien dans tous les sens, c'est assez cool. Voilà. Bon, bah... c'est tout ce que j'ai à dire sur ce groupe. Mais c'est pas mal, ça donne envie. Thank you. Et voilà, on espère que vous avez fait des petits financiers ouais, et des risottos à la milanaise. Voilà, au poire avec Cyril Lignac. C'est... Ou sans lui, parce que... Il n'y a pas voilà. besoin de lui pour ça. Mais bien sûr. Non, mais je pense que pour le coup, l'émission est quand même très positive et ça a peut-être ramené quelques personnes vers la cuisine et dans une ambiance assez cool. Et... Enfin, non, ouais. non. Est-ce que tu penses que toutes les émissions culinaires qui passent actuellement font que les gens vont un petit peu moins vers la malbouffe? Il y en a quand même non, de l'émission. Mais si tu... en fait, moi, je compare ça pas mal avec Top Chef et ses émissions très élitistes où c'est de la compétition, où tu ressasses. Mais lui, il fait partie de ce monde-là quand même. Ouais, après, Top Chef, c'est rigolo aussi. Et puis, c'est pas le cas. Ouais, mais ça donne aussi envie de cuire. Enfin, vive les émissions de bouffe. Vive la bouffe à la télé. Visiblement, t'aimes bien ça. Voilà, vive les émissions. La nourriture et moi, il y a un lien particulier. C'est un côté sympathique quand même, où tu peux t'identifier sur des trucs. Après, par contre, des trucs VG vegan, par contre, à part le Masterchef Black Metal, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais si t'es un petit peu malin, t'arrives à... Ben, non, mais figure-toi que, en bon exemple, c'était Eric Antoine, un magicien, je crois, ou je sais plus trop quoi. Bref, un mec qui était invité dans l'émission, qui est oui, vegan. C'est ça, j'ai découvert aussi. Et genre, what, lui, il est et vegan. Du coup, ouais, c'est improbable. Oui, c'est ça. Et du coup, quand même, premier truc. Il y a peut-être un lien quand même entre l'humour de merde et le véganisme. Peut-être, pas savoir. Mais la première réaction, c'était pas de dire « Ah ouais, on fait une blague dessus » ou je sais pas quoi. Non, c'est « Ah ok, pas de problème, on essaie de trouver ça à la place. » Et je trouvais ça assez positif et très tolérant dans toutes les pratiques culinaires qu'il pouvait y avoir. Et c'était... Le but, c'est pas non plus d'opposer les gens les uns aux autres. Bah, je te conseille d'écouter n'importe quelle autre émission ou n'importe quelle émission en fait, du PAF. Et globalement, c'est moins... moins axé, en tout cas. Moins sûr, bienveillant. Hein. Et là, je trouve ça vachement cool. La vidéo, mais pas là. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est là, c'est d'accord. Tout le monde cuisine. Et l'important, c'est que tous les gens cuisinent. Je peux pas dire que j'ai pas vu. Voilà. Et c'était, je trouvais ça positif. Même si c'est du Cyril Hanouna avec l'autre pignouf de Jérôme Anthony. C'est le seul mec local. Et putain, c'est un pignouf, quoi. C'est quand même dommage. Mais n'empêche que, je trouvais que dans une globalité, c'était assez sympa. Moi, ça m'a pas trop saoulé, ce qui est quand même surprenant. Alors, moi, je vais un petit peu casser cette rythmique quand même, bonne bouffe. Tu voulais passer du rock promo télé, parce que c'est des couilles avec ces émissions de musique. Parce que c'est quand même de la merde, tout ça. Bon, on se fait notre raclette en direct. Voilà. Là, on va mettre du raw punk, du vrai. Ouais. On va commencer par Fragment, qui vient d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ok, vous êtes vous situé là? Oui. Ok, très bien. Voilà. Excellente bière par là-bas. Très bien. Il y a quelques groupes de punk assez intéressants. Avec un EP qui vient de sortir qui s'appelle Serial Mass Destruction et le titre Dead World. Voilà, c'est raw punk 10 bits qui marche aux petits oignons. Et juste après, on va se mettre Apparatus. Ah, dans la cuisine à fond, là. Ouais, non, mais de toute façon, t'en reviens souvent, ça. Bah, globalement, quand tu manges, oui. Et on va se mettre Apparatus, que je pense pas avoir déjà passé, qui nous viennent de Malaisie. Qui ont sorti un disque, je crois, en 2019, mais avec le petit titre Absurde 19. Ça aurait pu coller avec la thématique actuelle, COVID. Mais je crois que c'est pas exactement ça, mais du coup, c'est assez cohérent quand même. Allez, on les met sur la compil. Avec le titre Fear of the War Mental. Pareil, même style, quoi. We'll be right back. Eh ben, c'était Mathieu qui a mis de la musique. Tout à fait. Deux petits titres totalement déments, de pur Ropunk 10 bits, Fragment et à l'instant Apparatus. C'était délicieux. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bah, il se passe qu'on vit un très bon moment. Voilà. Vive la réverb. Voilà. Voilà. Nique la République et nique la France. Et vive la réverb. Ah non, c'est vive la réverb. On va s'écouter PJ Harvey. Voilà. Surprenant. Bah écoute, j'ai jamais trop écouté, mais c'est... Bah non. Tu manques de base. Hein. Oui, mais je suis très mauvais dans les classiques. Je suis peut-être très mauvais tout court, on va savoir. Et c'est Sacha de Chien qui m'avait fait écouter ça un coup. Et c'est plutôt cool. Voilà. J'ai pas trop approfondi, mais c'est assez sympa. Voilà, il y a une bonne dynamique. Ouais, un bon petit power violence qui va bien. Ouais. Chant féminin. Du blast tout le long. Ouais, ultra bros. Qu'est-ce qu'on met après du coup? C'est PJ Harvey du coup, groupe assez connu quand même, hein, c'est mythique. Oui, c'est solide. Hein. Ça joue encore ça ou... Je sais pas. Putain, mais les infos quoi. Hey, ça, on reprend seulement quoi. Bah ouais, mais vous imaginez dans deux mois, le bain, là, voilà. Cet été là, quand tout le monde ira à la piscine, là, bah non, on va pas à la piscine, mais si on va se baigner dans la rivière, là, vous serez où là? Hein, les infos, elles seront où? Vous venez comme ça, là. Prenez un bout de papier. Hey. Mais tu crois que c'est Rélina qui fait des bouts de papier? Eh ben non. Bah on peut faire des petites recettes qu'avec des petits bouts de papier. Voilà, on fera rissoler des oignons. Bah, tu m'invites pas le soir, là. Juste après, je vais mettre un petit titre d'un groupe de Los Angeles, de post-punk, death rock, qui s'appelle The Wraith. Alors, j'ai découvert ça aussi, il y a peu. Notamment par le label Southern Lord qui a sorti ça. Enfin, c'est un label plutôt solide qui sort des trucs divers et variés, mais toujours, toujours bien choisi, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que là, bah, du post-punk, des fois il sort du sono, du power trip, il y en a quand même pour tous les goûts. Oui. Hein. Bon, petite dominante stoner quand même, je dirais. Ouais, mais t'as quand même pas mal de trucs assez hardcore. Mais bon, toujours après... des trucs très bien produits. Quand même. Oui. Mais pas sa caisse n'importe où, visiblement. Voilà, ça. Mais bon, The Wraith avec le petit LP Gloom Ballet qui vient de sortir et le titre Ring of Night. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Spiraling, he'll see me. Music play, maybe dreaming for dancing. On vient de se mettre le très bon groupe The Wraith, et juste avant l'excellent groupe aussi Pigeray. Excellent. Ça faisait très très longtemps. Alors, j'ai même pas suivi, c'est le nom du groupe ou c'est le nom de la meuf qui s'entoure de musiciens? Bah, c'est le nom du groupe, après peut-être qu'elle s'appelle comme ça aussi en tant que telle. Mais... Oh, je pense que c'est le nom du groupe. Je sais pas trop. Tu vois, genre Feist par exemple. Ça fait nom de groupe. Ça fait un peu même config, mais c'est elle. Alors du coup, je sais pas. Bon. On pourrait s'enseigner. Mais après, en général, c'est les personnes qui passent les morceaux qui se renseignent. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est un concept qui est dépassé. On est dans le monde d'après, Mathieu. Le monde d'après, ça ne marche pas comme ça. D'après, les pourrafs, quoi. On est dans la surinformation de nos jours. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, bah, en même temps, on a décidé mardi soir qu'on faisait une émission aujourd'hui. Alors bon, c'est un peu. Oui, bah, c'est venu de ton initiative. Hein, donc. Non, c'est de la faute de Marcus. Moi, j'ai rien fait. J'ai dit non, il n'y a pas de problème pour attendre 2 semaines. Aucun problème. Il a dit non, vous venez jeudi. Ça se trouve, dans 2 semaines, on sera reconfiné. On sera content voilà, ouais, de l'avoir fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai regardé quand même. La dernière, elle datait du 20 février. Hein. Il était temps d'en refaire une quand même. Ouais, ça pique dur quand même, oui. Mais bon, c'est vrai, quand tu regardes après notre site internet, il y en a quand même au moins 5 depuis. Jamais fait autant. Voilà, on a dit que c'était tous les 3 jours. On a plutôt fait toutes les semaines, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est cool. Non, c'était bien. Et du coup, il y a beaucoup d'émissions qu'on reprise là sur Game of Thrones. Eh ben, Jukebox la semaine dernière en direct. Il y a Alia qui fait une émission de temps en temps en direct. Et puis voilà, quoi, ça redémarre petit à petit. Tout doucement, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mmh. Bah voilà, donc on fait partie des précurseurs. Bah oui. On a bien craché sur les micros. Hein. Et bisous. Bisous. On a le temps pour un petit dernier morceau, je pense. À moins que. Ou deux, je sais pas. Moi, j'en ai pas d'autres. Ok, bon, on va passer, mais on peut parler, on peut dire des conneries. On sait faire. Hein. Oui, on peut couper aussi. Alors, si on écoutait du death metal, tiens donc. Quelle surprise incroyable! T'as passé ceux du death metal, ceux du punk hardcore, t'as ça? Bon, voilà. Avec un petit peu punk espagnol quand même. Mais c'était la petite touche pour dire que. Pour dire qu'il était content de retrouver Mounet. Voilà. Alors, tu remarqueras qu'il a pas mis de Converse, Baroness ou Justine pour faire genre il est content de me revoir moi. Non, et j'ai mis Benighted. Ça va. Quand même. Alors, on va écouter Gate Creeper, groupe de death metal américain. Et comme on disait hors antenne à Mitch quand j'essayais de décrire le groupe, plutôt moderne, légèrement gore, mais dans le bon sens du terme. Voilà, le regard vide de sens qu'il m'a lancé était parfait. Donc, moi aussi, je vais faire des chroniques, mais uniquement visuelles. Tu sais, genre, tu me fais écouter un truc. Mais ça existe déjà sur YouTube. Les reactions, c'est n'importe quelle chose. Et c'est insupportable. On va pas faire ça du tout. Bon, ben voilà, tant pis. Ou avec une photo, comme ça, ça passera mieux. En tout cas, vous allez vous faire votre propre idée. On va écouter le morceau Boiled Over, issu de leur album Deserted. C'est leur dernier album, je crois, qui est sorti probablement l'année dernière. Gate Creep. fallait donner sa chance à ce groupe oui. qui est sans être moderne et actuel. Voilà. C'est ça. Donc du coup, si vous avez bien aimé, il y a Gatekeeper, du coup, qu'on vient de passer. Ils ont fait une vidéo au K-Pit, la salle de concert, enfin, les concerts avec Kerrang, le magazine, où ils font des concerts dans les petites salles. Et du coup, voilà, il y a concert de bonne qualité, avec une bonne vidéo, un bon audio. Et du coup, il y a Gatekeeper aussi qui a fait ça récemment. Ben voilà. Si vous avez envie, allez écouter. Faites-vous plaisir. Yeah. Ben voilà. Et ça nous laisse 3 minutes 30 à meubler. J'ai vu un truc dans le style, c'est House of Storm, un truc comme ça, là, un truc pareil aux États-Unis. Un nom de groupe hein, non, je crois. Une type d'émission où ils passent des groupes, okay. Avec un groupe de hardcore punk. C'est filmé, super, super qualité. Donc je me demande, il faudrait que je regarde, je te montrerai le truc. Avec grand plaisir, Mathieu. Mais c'est super bien filmé, il y a genre 50 personnes. Ouais, mais c'est les bons concerts, ça. Voilà, ouais. Bah, faut être invité, quoi. oui. Faut être dans les bons papiers, quoi. Mais en tout cas, ça fait des beaux lives pour les groupes, ça fait des trucs propres. Enfin, on n'a pas ça chez nous. Pour aller dans les grandes. Ça viendra. Hein. Je sais pas où. Bah, disons, il faudra être patient. Il y a un moment, il n'y aura plus que ça, vu qu'on va être obligé de faire des concerts où il n'y aura personne et juste de la vidéo. Donc. Ça va peut-être se développer. T'es prêt ? C'est le nouveau concept. Le monde d'après arrive. Voilà. Je crois que je préfère quand même quand c'est un peu la teuf. Le monde un peu robotique. Quelques relous, allez, finalement. Non, mais la teuf, quoi. Un peu. Côté positif, tout le monde est content. Bah oui. Il n'y a pas de connards qui sont en train de taper sur les autres, tout ça. Chaleur humaine. Ouais. Bon, bah alors tout ça pour dire que ça fait 2 heures là, qu'on fait un petit même Tomori hein, sur le 107FM. Et puis que la prochaine émission, je sais pas, un mois sûrement. Ouais. Ou dans la date sur. Si vous léchez pas tous la barre du métro, globalement, on devrait se retrouver dans 4 semaines. Voilà, 4 semaines. Hein, toujours écoutable en podcast sur le site radiogameozo.eu ou sur le site même tomori-radio.com. Tirez quoi ? Radio. Ah. Et non pas memento-mori, n'est-ce pas, Mitch ? Oui, ça m'arrive des fois de dire n'importe quoi, c'est vrai, c'est souvent. Voilà, donc pour ceux qui découvrent un peu l'émission, allez dessus, il y a plein d'émissions depuis environ 3 ans. Ouais, dont les super confinements mori. 4 ans, plus, 4 ans. C'est 2016, je crois. Donc du coup, il y en a quand même ras la gueule, quoi. Ouais, ouais. C'est, même c'est le terme technique, oui. Hein. Le site supporte toujours. Ben oui. Bah on le paye. D'ailleurs, faut. Ouais. On en parlera en antenne. Alors c'est bientôt. On va pas se. Hein. Ouais, on va pas se formaliser là-dessus. Pas, voilà. Voilà, c'est ça. On va pas chiffonner sur des broutilles. J'ai envie de lancer une marque de fringues où ce serait Mounet qui sortirait des phrases comme ça, c'est vite. On va pas chiffonner sur les broutilles. Hop, 150 balles. Dans tous les beaux porteraient ça, ça va pas du tout. Et tiens, le logo B90 est marqué en dessous, ça tartine. Je veux ça. On ferait du super merch. Ouais, fais déjà le visuel de l'émission. Ah, quoi, après. Et du coup, Marcus est en train de me faire des signes. Je sais pas si c'est pour nous dire que c'est la fin ou qu'on est relou. Allez. J'ai toujours le doute. Générique. Allez, on fait. Mais moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs, on a eu d'autres folies, d'autres délires.